Bonjour mes chers amis, et en ce lundi, nous continuons notre étude sur l'évangile de Luc, et nous sommes au chapitre 13. Et nous allons commencer cette semaine en demandant à Dieu de nous diriger, de nous instruire. Notre bon Père du ciel, toi qui nous as laissé ta parole afin qu'on puisse connaître ta pensée, qu'on puisse te connaître toi et ton Fils bien-aimé. Instruis-nous pendant cette semaine, dirige-nous, conduis-nous, révèle-nous ta pensée par les Écritures, parce qu'elles sont le seul moyen que nous avons de connaître qui tu es et ce que tu veux, ce que tu attends de ton peuple. Au nom de Jésus, amen. Je vous répète régulièrement qu'il faut étudier dans le contexte. Sans ça, on va faire dire tout ce que l'on veut à la Bible. Pour se protéger soi-même contre l'hérésie, il faut apprendre à étudier dans le contexte. Et on se souvient qu'on est dans l'évangile de Luc. Luc écrit à Théophile afin que Théophile soit certain des choses qu'il a entendues. Donc Théophile va recevoir l'évangile de Luc 30-35 ans peut-être après que les événements se soient écoulés. Certains événements, ça fait déjà 60 ans que ça s'est écoulé. La naissance de Jésus, ça va faire au moins 60 ans que c'est passé. Donc Luc dit à Théophile, j'ai été vérifié auprès des témoins oculaires, des gens qui étaient là en Israël, des gens qui étaient là présents à la naissance de Jésus, quand Zacharie était là, et tous ces gens-là, des gens qui étaient présents, des gens qui ont vu Jésus agir et instruire et enseigner, ils ont vu Jésus faire des miracles. Certains peut-être qui ont interrogé Luc, certaines personnes qui avaient été des miraculés, si je peux dire ça comme cela. Il dit, tu as fait la fin que tu saches ce que tu as entendu, si c'est vraiment vrai. Parce qu'on sait que la bouche à oreille peut, des fois, changer, n'est-ce pas? Mais un écrit, ça reste écrit. Donc, c'est pour ça qu'il écrit. Et on a vu ensemble que Luc divise son livre en blocs, 1 à 3, l'essence de Jésus jusqu'à son baptême, sa vie privée. Ensuite de ça, chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 9, sa vie publique en Galilée. Chapitre 10 jusqu'à 21, c'est dans le bloc dans lequel nous sommes présentement, c'est Jésus part de la Galilée et il monte à Jérusalem pour mourir. Il ne va jamais y revenir en Galilée. Il va mourir là. Donc Jésus sait qu'il va mourir et pendant qu'il monte, il y a des événements qui se passent, des histoires qui sont racontées, des paraboles qui sont racontées, des instructions. Mais la majorité de tous ces textes ont un point en commun. C'est que Jésus dénonce qu'Israël n'a pas reçu son Messie, a rejeté le Messie, et en rejetant le Messie, elle rejette Dieu qui l'a envoyé. Et il annonce ainsi la condamnation du peuple d'Israël. Allez-vous, pensez ça, allez lire votre Bible, chapitre 13 à 21, et remarquez bien ce que je vous dis là, c'est ce que je crois que le texte, dans ce texte-là, que Luc démontre à Théophile que Jésus n'est pas coupable de ce qu'on l'accusait, mais que les coupables, c'est Israël, qui, eux, sont des gens qui sont croches, sont hypocrites, qui vont faire mourir Jésus pour des raisons non valables. Donc, aujourd'hui, on est dans le chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est ce que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pour bien comprendre ce petit texte, il faut comprendre un peu l'histoire d'Israël. Il y a eu un schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud en Israël des siècles avant Jésus. Il y a eu toujours eu un conflit entre la Judée, Jérusalem et le sud contre le nord. Et entre le nord, qui était la Galilée, complètement nord, et tu avais la Samarie, et les gens du sud, les gens de Jérusalem et de ses environs, se croient des meilleurs Israélites, des meilleurs Juifs, des meilleurs pratiquants de la loi, des meilleurs de ceux qui entretiennent le temple et tout cela. Donc, avec cette optique, il faut lire un peu que c'est ce qu'il y a là. Je dirais un peu, c'est comme un problème qu'on voit au Canada entre les Français et les Anglais. Ce schisme qui est là, quasiment omniprésent dans toutes les sphères de la société. Et ça fait longtemps que ça dure. Mais en Israël, c'est la même chose. Donc ici, le premier qui va poser la question à Jésus pendant qu'il marche, pendant qu'il monte à Jérusalem, il y a quelqu'un qui pose la question à Jésus, « Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé aux Galiléens, le Nord, les Galiléens, dont Pilate a versé le sang, dont Pilate a tué et a mélangé le sang avec celui des sacrifices qu'il offrait. Qu'est-ce que tu en penses? » Dans la tête de ceux qui posent la question, c'est « Penses-tu qu'ils sont plus méchants que les autres? » C'est pour ça que Jésus répond au verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Dit, « Pensez-vous que ceux qui souffrent de la sorte, ceux qui vivent des catastrophes, ici c'était qui ont été tués par Pilate, par des païens, pensez-vous qu'ils étaient des plus grands pécheurs que ceux qui n'ont pas été tués par Pilate? » Nous, on pourrait se poser la question d'une façon plus pratique aujourd'hui, nous autres. On pourrait dire, ceux qui ont subi la fureur de l'ouragan Matthieu et qui ont tout perdu et qui sont morts, étaient-ils plus pécheurs que les autres qui n'en ont pas subi les conséquences? C'est ça l'équivalent ici. Et Jésus il dit, je vous dis non. Non, ils ne sont pas plus pécheurs que les autres. C'est notre tendance de penser que ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes de finances, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est notre tendance. On va dire, ah, ils ont eu ce qu'ils méritaient, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'était la pensée chez les Juifs que si tu étais un bon Juif, un bon Israélite, que tu pratiquais bien la loi, que tu étais un fidèle serviteur de Dieu, Dieu était pour te bénir, te protéger, Dieu était pour te donner la prospérité, la santé. C'est ça qu'on croyait. Et c'est ça qu'on croit aujourd'hui encore dans beaucoup de mouvements religieux. Si tu n'es pas béni, c'est parce que tu as des péchés dans ta vie. Celui qui est bien béni, c'est parce qu'il est obéissant. C'est ce qu'on pense bien souvent. Mais Jésus dit non. Il dit, si vous ne vous repentez pas tous, vous allez tous périr. Mais Jésus amène la situation dans la cour des autres, de ceux qui ont posé la question, je crois. Il dit, qu'est-ce que vous pensez des gens à Jérusalem sur lesquels la tour de Siloé a tombé et qu'en tombant, elle a tué 18 personnes. Pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres habitants de Jérusalem? Là, il ramène ça dans la cour des gens pieux. Vous parlez de Galilée, des Galiléens? Moi, je vous ramène ça à Jérusalem. Quand il arrive une catastrophe à Jérusalem, est-ce que vous pensez que ceux qui subissent la catastrophe sont plus méchants que ceux qui ne subissent pas? Et Jésus répond encore une fois, non, non et non. Vous êtes tous coupables également et vous devez tous vous repentir. Sans cela, vous allez périr. Donc Jésus dit ici, il déclare lui, au moins pour tout Israël, autant du nord que du sud, il dit, vous êtes tous pécheurs également, vous êtes tous coupables également, vous devez tous vous repentir. Sans exception, ce n'est pas une option, vous devez tous vous repentir. Sans ça, vous allez périr. Par périr ici, il ne parle pas de mourir physiquement. Parce que ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas meurent tous physiquement. On pourrait juste aller un peu plus loin dans l'histoire et vous allez voir tous les apôtres qui se sont repentis, qui ont adhéré au royaume de Dieu, je peux dire de même, qui ont adhéré à Jésus-Christ, et, ben, ils vont tous mourir pareil. Les gens qui se repentent vont aussi subir des maladies, vont aussi subir des catastrophes, ils vont aussi subir les souffrances terrestres, puis ils vont aussi mourir. Donc, il ne parle pas de périr physiquement, il parle de périr spirituellement. Parce que la repentance, ça a rapport avec le spirituel. Ça a rapport avec Dieu. Et non pas... donc, si ça, ça a rapport avec le spirituel et avec Dieu, la conséquence est spirituelle et avec Dieu. On ne peut pas dire maintenant, il nous appelle à se repentir spirituellement et à cause qu'il va avoir une physique seulement, une conséquence seulement que physique. Mais la question qu'on va se poser maintenant, pour le restant du vidéo, ça veut dire quoi se repentir? Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Galiléens et les gens de Jérusalem? Je crois que ça veut dire la même chose pour tout le monde sur la planète. Parce qu'on pourra trouver d'autres textes que Jésus appelle la repentance tout le monde. Les apôtres ont appelé la repentance non pas seulement que des Juifs, mais toutes les nations. On va le voir plus loin dans Luc aussi. Quand j'étais catholique, religieux, la repentance était « Avoue que tu as désobéi au commandement de Dieu, reconnais que tu mérites d'être puni dans l'enfer, reconnais ça et Dieu va te pardonner. Crois au Seigneur Jésus, tu auras le pardon de tes péchés. » La repentance était « Avouer qu'on avait fait des péchés et les regretter et qu'on voulait maintenant vivre une nouvelle vie en voulant abandonner ces péchés-là, en travaillant fort, fort, fort pour abandonner, plus faire ces péchés-là. C'est ce que je croyais en tant que catholique. Quand je commençais à lire la Bible, la repentance était, on m'a approché en disant, François, tu as péché et tu mérites l'enfer. Si tu dois reconnaître ça, accepter ça, et que tu dois croire en Jésus, que lui va tout effacer tes péchés, et tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Et la preuve que tu as abandonné les péchés, que tu t'es vraiment repenti, c'est que maintenant, tu vas lutter contre le péché dans ta vie. Tu vas essayer d'être le plus obéissant possible dans ta vie chrétienne. Mais plus tard, j'ai compris autre chose. La repentance ici, dans la Bible, ce n'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance n'est jamais utilisé, excepté pour Dieu lui-même. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, mais il s'est jamais employé pour l'être humain. Dans l'Ancien Testament, c'était « Revenez à moi ». Peuple d'Israël, revenez à moi, vous m'avez abandonné. Vous m'avez rejeté. Et cet appel à revenir à Dieu a commencé le lendemain du péché d'Adam au paradis. Tout de suite après ça, le peuple de Dieu s'était éloigné. En Adam, depuis ce temps-là, le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, a abandonné Dieu, et on voit dans l'Ancien Testament l'idolâtrie qui est omniprésente dans le monde habité dans ce temps-là. L'être humain avait abandonné Dieu et était des idolâtres, et même au temps du déluge, au temps de Babylone, c'est l'idolâtrie. Et Dieu appelait par les prophètes le peuple, « Revenez à moi. » Le péché que l'être humain a fait, c'est qu'il a, en Adam, décidé d'obéir au diable au lieu d'obéir à Dieu qui avait dit de ne mange pas de l'arbre. Si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. Satan vient et il dit, mange de l'arbre, tu vas devenir comme Dieu. Tu n'auras plus besoin de servir Dieu, tu n'auras plus besoin d'être un serviteur de Dieu. Dieu va être là et tu vas être son égal. Tu vas être comme Dieu. Et quand on étudie les histoires des hommes, on voit que les hommes s'inventent des religions. C'est eux autres qui font leur propre Dieu. Ils s'inventent des dieux de toutes les formes, de toutes les manières, de toutes les... L'imagination est très fertile dans ce domaine-là. On a abandonné Dieu. Et quand Jésus appelle les gens à se repentir, il appelle les gens à revenir à Dieu. Comme l'abandon de Dieu dans l'Ancien Testament se manifestait en tuant les prophètes, on va en parler plus loin dans le texte, dans le chapitre 13, en tuant ceux que Dieu envoyait, ici, le peuple d'Israël manifeste sa rébellion envers Dieu en rejetant Jésus. Jésus le dit, puis il le répète à plusieurs reprises. Si vous me rejetez, vous rejetez Dieu qui m'a envoyé. Jésus a dit à Israël pendant qu'il était sur la terre, vous dites que vous avez pour père Abraham, je vous dis que vous avez pour père le diable. Repentez-vous et revenez à Dieu. Pas pour aller au ciel quand vous allez mourir. Ça, c'est une fausse repentance. Revenez pas à Dieu pour avoir des bénédictions, la santé et la prospérité. Ça, c'est une fausse repentance. On revient à Dieu pour l'adorer, le louer et le servir. Ici et pour l'éternité. On reprend notre place de créature et de serviteur et de servante. Et on redonne à Dieu sa place de créateur, de maître, de seigneur, qui doit être servi, adoré et loué. C'est ça la repentance. Et si vous ne faites pas ça, vous allez périr. Vous allez être rejeté par Dieu, vous allez être jugé et condamné pour l'éternité. Je mets dans le bas du vidéo, là, vous allez le voir à l'écran, une adresse d'un site web, d'un blog que j'ai, où je parle de la repentance de façon beaucoup plus détaillée. 3 vidéos de 20 minutes sur la repentance. Donc, si le sujet vous intéresse, allez voir cette adresse-là et vous allez voir des vidéos sur la repentance. Donc, il dit, si je résume, tous sont coupables, tous doivent se repentir, tous vont périr s'ils ne le font pas. Repens-toi et tu périras pas. Et la façon de démontrer que tu t'es repenti, c'est que tu adhères à Jésus-Christ que Dieu a envoyé. C'est comme ça que ça se manifeste. Une façon, ça se manifeste, tu te tournes vers Jésus-Christ pour être sauvé, afin d'être capable de servir Dieu et de l'adorer et de le louer. Nous allons prendre un moment de prière sur les biens. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour nous avoir appelés à la repentance. Merci d'avoir été honnête et franc et direct avec nous. Tu nous l'as dit, on est tous coupables en tant qu'êtres humains. On doit tous se repentir. Ce n'est pas une option. Sans ça, nous allons tous périr. Ô Seigneur, je te prie, pour ceux ici qui ne se sont jamais vraiment repentis d'une repentance biblique, ô Dieu, donne-leur la grâce de se repentir, de revenir à toi, de se tourner vers toi pour t'adorer, te louer, te servir pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que je te demande cela.